Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Jésus-Christ, notre Rédempteur, celui qui s'est sacrifié sur la croix de Golgotha pour notre libération, je veux dire à quelqu'un, contemple l'amour de Dieu qu'il a manifesté en Jésus-Christ et cesse toujours de pleurer. Ton Dieu est un Dieu fidèle. Il a déjà écouté ta prière. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération sous la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier selon le psaume 14. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons le psaume 14 au chef des chantres de David. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actes abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu les sens? Ils dévorent mon peuple, ils les prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point Dieu. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante. Quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste, jeter l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse. Israël se réjouira. Amen. Il y a trois vérités que nous voulons partager avec vous et qui sont tirées de ce psaume. La première vérité concerne les attitudes des athées. Les athées, ce sont des personnes qui affirment qu'elles ne croient pas en Dieu. L'athéisme est l'une des caractéristiques de l'insensé. Vous voyez, ici, ce psaume commence en disant, au verset 1, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Donc, si tu attends quelqu'un dire « Dieu n'existe pas », ce psaume dit que c'est un insensé. Celui qui dit ou qui pense dans son cœur qu'il n'y a point de Dieu, se trompe. Même si Dieu est invisible, nous pouvons percevoir son existence à travers l'œuvre de sa création. L'apôtre Paul pouvait dire aux Romains, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent depuis la création du monde. » Romains 1, verset 20. La création fait partie de la révélation de Dieu. Toi qui dis que Dieu n'existe pas, mais quand tu regardes seulement les montagnes, tu regardes la lagune, tu regardes la mer, tu regardes les océans, toutes ces choses doivent te dire un message qui a un créateur. Quand tu prends l'avion, tu regardes les firmaments, tu regardes les reliefs, tu regardes les végétations, la manière dont Dieu a décoré même la nature avec de belles couleurs. Cette création, c'est une évidence qu'il y a un Dieu qui existe. Donc, la révélation naturelle à travers la création nous parle déjà de Dieu. C'est pourquoi quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas, même s'il ne croit pas en Jésus, au dernier jour, le Seigneur peut le juger sur la base de la révélation naturelle. C'est-à-dire, si tu as regardé les montagnes, tu as regardé les mers, tu as regardé les étoiles, la lune, ces éléments t'ont dit, t'ont parlé qu'il y a un Dieu qui est le Créateur. Est-ce que tu l'as adoré? C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, ils sont inexcusables, ceux-là qui ne sont pas tournés vers Dieu, mais qui adorent les idoles. Comment peux-tu adorer les bois? Comment peux-tu adorer les masques? Comment peux-tu adorer une statue au lieu d'adorer le Créateur? Deuxième vérité, l'universalité du péché. Ce psaume nous montre que le péché est universel. La corruption morale de la société et l'universalité du péché démontrent que l'homme est par nature pécheur et qu'il a besoin d'un sauveur pour le délivrer du péché. Le psalmiste dit ceci à partir du verset 2. Il dit « Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien, aucun. » Ça rejoint la même pensée qui a été dite par l'apôtre Paul aux Romains quand il dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Laisse-moi vous dire que quand on parle du péché, il ne s'agit pas seulement des actes que les gens posent, tels que commettre l'adultère, mentir, tuer. Le péché est d'abord un état, l'état de tout homme qui n'a pas Christ dans sa vie. Depuis la chute du premier homme Adam, Adam a péché et nous héritons de la nature adamique. Même si tu n'as pas volé, même si tu n'as pas triché, mais aux yeux de Dieu, tu as cette nature pécheresse et tu ne peux pas atteindre Dieu, tu es pécheur, à moins que tu ne te tournes vers Jésus, à moins que tu crois en Jésus et que son sang te lave pour que Dieu t'approuve. Il dit ici, il cite quelques aspects de la corruption morale de la société qui montrent que le péché universel, il parle de la corruption, tous se sont corrompus. Il parle des actes abominables tels que les massacres, l'immoralité sexuelle, l'homosexualité, la pédophilie, les sacrifices humains, les viols, les attentats. Il parle également des actes d'oppression. Par exemple, il dit « Il dévore mon peuple ». Vous voyez, l'expression « Il dévore mon peuple » sert à désigner l'oppression des plus forts sur les faibles. Ceci nous rappelle l'oppression de Pharaon sur le peuple d'Israël. Il exploitait les enfants d'Israël pour bâtir ses villes. Cette oppression continue aujourd'hui sous plusieurs formes. Il y a les pays riches, par exemple, qui exploitent les pays pauvres en provoquant des guerres afin d'exploiter leurs richesses. Les grandes entreprises oppriment leurs travailleurs en leur donnant des salaires modiques. Les adeptes du mysticisme et de la sorcellerie dévorent la population, voire leurs membres de famille en les sacrifiant pour devenir riches ou pour se maintenir au pouvoir. Vous voyez, ce psaume montre que ces hommes-là, méchants, ils dévorent mon peuple. Je veux dire à quelqu'un, si tu as Jésus-Christ dans ta vie, le diable ne peut rien contre toi. Peut-être qu'on t'a mis sur une liste de gens à bouffer, mais toi, tu ne peux pas être bouffé par les sorciers parce que le sang de Jésus circule en toi. Oui, il parle également de l'insouciance de Dieu. Ces gens qui sont insensés, ils ne se soucient pas de Dieu. C'est-à-dire, ils n'invoquent pas l'Éternel. Ceux qui agissent ainsi comptent sur eux-mêmes, sur leurs richesses, sur leurs biens ou leur position sociale. Ils pensent résoudre toutes leurs situations qui se présentent à eux sans Dieu. C'est faux. Troisième vérité que nous révèle ce psaume, c'est le sort final des athées. Les gens qui ne croient pas en Dieu vont mal finir. Toi qui ne crois pas en Jésus-Christ, tu risques de mal finir ta vie. Ce psaume nous montre que le sort final de ceux qui pensent que Dieu n'existe pas et qui oppriment les malheureux, ils trembleront d'épouvante lorsque Dieu paraîtra. C'est-à-dire, ils vont subir le jugement de Dieu. Il y a un jugement qui les attend. Par contre, ceux qui espèrent en l'Éternel connaîtront la délivrance et vivront dans la joie de la même manière que les enfants d'Israël. Judas avait expérimenté la délivrance après 70 ans de captivité. Vous voyez ici, il est dit ici au verset 5. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante. Je vais dire à quelqu'un, ceux qui te combattent vont trembler. Il y a un jugement qui les attend. Il dit, quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste, jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Oui, c'est toi qui me suis, toi qui m'entends, tu te sens malheureux, tu es opprimé par l'effort. Il y a quelqu'un qui est fort, qui est puissant, qui t'opprime, qui bloque même tes avantages. Laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu qui va te rendre justice. C'est pourquoi ici il dit, qui fera partie de Sion la délivrance d'Israël? De la même manière qu'Israël a connu la délivrance. Le Seigneur va te délivrer, mon frère. Il va te délivrer comme il a délivré les enfants d'Israël. Il y a un temps pour toutes les choses. Il y a un temps pour l'esclavage. Mais il y a un temps aussi de délivrance. Le Dieu que nous prions, il est le Dieu des délivrances. Il est capable de te délivrer. Mais tu as besoin de Jésus-Christ. Il faut faire confiance à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le célébrer. Nous allons le louer à travers ces cantiques. Comme

Gloire à Dieu. Notre Dieu mérite l'honneur. Il mérite la gloire. Il mérite les actions de grâce. Que chacun de nous dise merci à ce Dieu pour ce qu'il fait jour après jour. Et si tu as donné ta vie à Jésus, sache que tu as la grâce de connaître Dieu, d'être appelé enfant de Dieu. Élevons nos voix. Amen. Nous rappelons que nous prions sur le psaume 14. Vous avez au microphone votre serviteur, le révérend Dieudonné Ngoumbi. Nous vous saluons avec toute l'équipe OSB. Cette émission est produite à partir d'Abidjan et nous encourageons tous ceux qui nous suivent à partir de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Italie, du Canada, des États-Unis, du Maroc et plusieurs autres pays africains. Partagez OSB avec des parents, avec des amis, par WhatsApp et Dieu vous bénira. Nous allons prier le Seigneur. Prions pour tous ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. C'est-à-dire, ceux qui se disent athées, afin qu'ils perçoivent le message divin, même à travers la création, et qu'ils se tournent vers Dieu. Priez pour qu'ils aient l'occasion d'entendre l'évangile et qu'ils répondent favorablement à l'appel au salut. Prions le Seigneur. Très excellent Père, le ciel raconte ta gloire et l'étendue révèle l'œuvre de tes mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre. Tes œuvres sont grandes, tes œuvres sont magnifiques. C'est toi qui as créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Toute chose a été faite par toi et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans toi. Merci Père, parce que tu procures la vie. Merci pour ta lumière. Ce matin, nous prions pour tous ceux qui ne croient pas en toi, ceux qui se disent athées. Nous prions contre toute forme d'endurcissement spirituel, contre toute forme d'aveuglement. Révèle-toi à ces personnes, Père éternel, que les écailles tombent de leurs yeux, afin qu'ils puissent percevoir l'étendue de tes œuvres, afin qu'ils puissent te louer, te glorifier et te magnifier, afin qu'ils sachent que Jésus-Christ est Seigneur et c'est lui qui maintient en nous le souffle de vie. Merci Père éternel, merci parce que nous savons que tu exauces les prières de tes enfants. Interviens dans la vie, ô Père éternel, de nos proches, de nos amis, de nos chers qui ne te connaissent pas, qui refusent ton existence. Manifeste-toi dans leur vie, ô Père éternel, afin que leur cœur de pierre se transforme en cœur de chair et qu'ils reçoivent ta grâce et la vie éternelle. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous percevons les grandes choses que tu fais dans nos vies chaque jour. Fais de même dans dans la vie de ces personnes. C'est au nom de ton Fils, Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier contre l'esprit d'oppression qui agit dans nos nations, nos entreprises. Nous venons de voir que Dieu ne tolère pas que l'homme opprime son prochain, si puissant qu'il soit. Nous allons prier pour briser l'esprit d'oppression, même dans nos familles. Si toi-même tu en es victime, prie pour que Dieu t'en délivre au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Amen. Nous allons prier pour les chrétiens qui vivent leur foi dans un contexte d'oppression. Il s'agit par exemple de pays où certains pouvoirs ou des autorités n'acceptent pas le christianisme. Les chrétiens sont torturés. Il y a ceux qui vivent l'oppression, il y a ceux qui vivent la persécution. Nous allons prier pour que le Seigneur les soutienne, afin qu'ils persévèrent dans leur foi. Nous allons prier pour que Dieu les délivre de manière miraculeuse au nom de Jésus. Et s'il y a quelqu'un même qui est condamné à mort quelque part dans un pays dans le monde à cause de sa foi, que le Seigneur se manifeste à lui au nom de Jésus, que le Seigneur le délivre au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver demain à la même heure et à la même chaîne. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.